Numéro 24. Nom de famille. 名字. Prénom. 名前. Date de naissance. 生年月日. Lieu de naissance. 出生地. Nationalité. 国籍. Adresse. 住所.